c'est la mort aux trousses, le podcast qui... Bonsoir et bienvenue à la mort aux trousses, jour 17 du confinement. Je deviens de plus en plus bonne à ça. Comment vas-tu Marion ? Ça va pas trop mal. On a travaillé aujourd'hui. On a même travaillé dans le même bureau parce ouais. Qu'après tout, pourquoi avoir un 85 mètres carrés et pas se confiner dedans, se confiner la plus dans petite pièce de l'appartement. Exactement. Plus ouais. Petite, non, il y a les toilettes, mais... Ouais, voilà. Ouais, bon. on a bien bossé aujourd'hui. Et puis voilà. Oui. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et on s'y met enfin. Ouais. Et voilà. Moi, ça va aussi, puisque mm-hmm. Tu le demandes. Jamais, hein, toujours pas. Non. Je m'en branle un peu. Et moi, ça va aussi. J'ai un petit coup de gueule à passer sur la bande passante Netflix, mais... Ah ouais. Mais voilà, on peut plus regarder Gilmore Girls et Mad Men le midi. On est obligé de regarder Arte, c'est chiant. Ou Malcolm. Ah oui, on a regardé Malcolm. C'était, ah, cool. C'était bien. Voilà. Donc, petit coup de gueule. Voilà. Oui, puis petit coup de gueule aussi. Enfin non, pas coup de gueule, Erratum. Erratum, j'ai oublié. Oh, ah non, ça va pas du tout. Non, ça va chaud. Pas du tout. Non, hier dans le podcast avec Coralie, ouais. J'ai dit que Amaury, il était fleuriste. Il est absolument pas fleuriste. Il est jardinier. C'est un jardinier extrêmement talentueux. Ouais. Et désolé, il fait tellement d'autres choses que vendre des fleurs. Il vend pas des fleurs. Il les plante, plus. Il les fait vivre, ouais. Il les rend belles, il les rend intelligentes et les sublime. Ouais, voilà. Et il leur donne des noms de MST. C'est voilà, exactement. Donc vraiment désolé. Pardon. Ouais, merci, j'avais déjà oublié. Bah oui, voilà. N'importe quoi. Bon, et donc du coup, voilà, et en parlant de choses superbes et intelligentes et sublimes, on a décidé de pas aller très loin, parce qu'il n'y a pas à aller si loin que ça, on appelle Pivi, mm-hmm. alias Pierre. Oui, c'est Pivi. Et on l'appelle de suite. Allô ? Allô ? Ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute, ça va. On confine, hein ? On confine tranquille. Qui es-tu, ouais. Pivi ? Présente-toi. Alors, je suis né le 19-09-91 dans l'hôpital de Tulle, en Corrèze. Mmh. Abonnez-vous. Voilà. J'ai commencé à marcher vers l'âge de 11 mois. Ok. Voilà. C'est précoce. Après... ça ou pas pour un enfant. Je sais pas trop, hein, mais non, je crois souvent... que c'est, dans les... c'est la norme, ouais. C'est la norme, ouais. Okay. Ouais, on m'a dit que j'étais précoce, mais plus vers 17 ans. Alors, je sais pas comment le prendre. Je sais pas trop comment le prendre. Ouais. Bon, okay. Voilà, et du coup, après, j'ai arrêté les couches vers l'âge de 13 mois. Mm-hmm. Enfin, voilà, quoi, une jeunesse remplie de bonheur dans un pays assez rural, quoi. Oui, d'ailleurs, alors, tu es né à Tulle. Est-ce que nos anciens présidents sont venus bénir ton berceau ? Ils ne sont pas venus bénir mon berceau, mais oui, je les ai rencontrés, l'ancien Jacques Chirac et puis le moins ancien, ancien, ancien, et oui, ancien, ancien aussi, du coup, ancien, François Hollande. Ok, et du coup, tu préfères lequel ? Je ne sais pas trop, politiquement, j'en aime aucun, ouais. Mais... ouais, mais tu es obligé François... de choisir, tu es obligé d'en ouais, choisir. Ok, François Hollande parce qu'il aimait... Il aimait bien bouffer, ouais. Bien bouffer et bien boire. Ok. Surtout bien boire. Mais est-ce que... Ouais, est-ce chichi que... aussi, Chichi aussi, je pense, non ? Ouais, mais Chichi était plus classe. Moi, j'aime bien le côté un peu grunge de François Hollande. Ouais. C'est vrai que toi, tu aimes les filles en sarouel. Oui, voilà. Sûr. C'est pas grave, on t'aime quand même. Puis... Et... Oui, je sais. C'est grave, ça, quand même. Ouais, c'est pas ouf, mais bon, passons. Qu'est-ce qui te plaît dans le sarouel ? Bah en fait, c'est pas quand je dis les femmes en sarouel me plaisent, c'est pas forcément le type de pantalon que je pense, ah bon. mais tu vois le genre de personne dont je peux m'attendrir, quoi. D'accord, m'attendrir, ça fait un peu genre tu les prends en peine. Ouais, un peu, oui. Ce qui finalement non, pas du tout. Est bien normal. Elles mettent quand même des pantalons qui n'en ressemblent à rien. Oui. Qui n'en ressemblent, qui oui. ressemblent à des. Des sacs poubelles. Donc, oui. Donc, c'est ça. Voilà. Tout à fait. Ok. Et donc, on t'a coupé dans ta présentation. Pardon, tu en étais à tes 13 mois, je crois. Ouais, bon, je pense que je vais aller un peu plus vers les années 2000-2020, quoi. Mais du coup, maintenant, je suis sur Toulouse. Ma vie pro, je suis designer aéronautique dans une Trop boîte qui classe. s'appelle l'AT6. Voilà, où je suis délégué syndical, élu au comité social et économique et référent harcèlement. B, mais alors t'es de gauche? Et alors oui, on peut dire ça, mais après, je pense qu'on n'est pas Nous forcément. sommes un podcast de droite, hein, Ouais, je le pardon, je rappelle. rappelle que oui. Ah oui, pardon, c'est vrai. Du coup, je suis patron de ma boîte Startup, et je ne paie pas DRH, l'impôt. voilà. Je fais les deux. Super. Ah, trop bien. Parfait. Donc du coup, tu appelles aux dons aussi pour qu'on Ah t'aide oui, sur la Oui, j'appelle coaching, au tout à don fait. pour sauver mon entreprise, oui. Ah oui, voilà, oui, parce que c'est Oui. difficile, C'est important. C'est Et difficile. puis, ce que j'envoie des mails à tous mes collaborateurs pour qu'ils reviennent au travail, bien sûr. Ah ben bien sûr. Et Pour oui, qu'ils tombent attention. malades. Mais oui, c'est Voilà. bien que tu les appelles tes collaborateurs. Oui, voilà, c'est Oui, ça. bah Ça oui, fait c'est comme vraiment ça très plaisir. qu'ils nous appellent. Évidemment, bien Et sûr. pas grouillot. Grouillot, ouais. Grouillot, c'est pas mal. Ok, donc Très bien. designer aéronautique, Quid, qu'est-ce que. tu designes des avions? Est-ce que tu c'est toi qui as décidé qui ressemble à ça? Non, en fait, c'est pas du design intérieur, c'est plus du design structurel. C'est-à-dire que tu vas faire les pièces que ben, personne ne voit dans un avion. Non, super. C'est-à-dire le fuselage et tout ce qui permet à un avion de résister. Très bien. Et comment ça t'est venu? Passion Alors, ça avion? m'est. Alors, passion, pas du tout avion. Je pourrais travailler dans l'aéronautique ou IKEA, c'était pareil. Mais j'aimais bien faire du design industriel. Et puis, la ville de Toulouse me plaisait bien. Et du coup, le design aéronautique, ça tombe bien. Ouais, ça te C'est permettait dans de les deux, quoi. pouvoir rester à Toulouse, quoi. Exactement. Trop classe. Et du Ok. coup, ça te Ouais. plaît? Oui, ça me plaît. Bon, après, ça fait quand même 7 ans et demi que je fais ça. Donc, comme chaque boulot, voilà, t'as un peu fait le tour. Mais bon, j'essaie de me réinventer un peu. Ok. Et C'est beau. donc toi, il paraît que tu as repris le travail là. Et ouais. Et oui, j'ai repris le travail lundi avec beaucoup d'enthousiasme. Mais Oui, j'imagine, oui. je suis très très content. Non, Ça en vrai, s'entend à ça me ta fait voix. chier. Ben Ouais. grave. Alors quel est parce Pourquoi? que Quelle est la enfin justification de ça? je veux pas dire que ton travail n'est pas Essentiel? essentiel, oui, Un petit peu quand même. Ah non, mais après mon travail n'est pas du tout essentiel, sachant que je travaille dans les avions volent plus, Oui, c'est vrai ça. dans tous les cas, voilà, il est pas essentiel pour la vie de tous les Français, mais il est essentiel pour la vie économique entre guillemets de la France. C'est D'accord. ça. Et Oui. oui, Voilà, parce parce que que ouais. Parce que oui. on connaît ce petit double discours restez chez vous, mais allez travailler pour faire vivre l'économie française. C'est ça. Voilà. Oui, donc bon. Ouais. Et donc toi, t'es pas ravi. Ah non, je suis pas trop ravi, non. Mais je préfère rester à la maison, tu vois, tranquille. Ouais. Mais du coup, Comme les deux. vous êtes beaucoup Non, à être parti travailler ou c'est quand même un petit effectif ou c'est tout le ouais. monde? Non, bon, c'est un peu du cas par cas. Il y en a qui sont en télétravail parce qu'ils le peuvent et ils ont des accès aux outils qui leur permettent de travailler à la maison. Et puis t'en as comme moi qui peuvent pas, donc ils reviennent travailler. Puis t'en as qui sont en garde d'enfants, t'en as qui sont. Ouais. Enfin voilà, c'est vraiment du cas par cas, quoi. Ouais, et ok. comment ils vous ont envoyé un mail genre bon les gars c'est fini la branlette, vous revenez bosser? Comment ils ont présenté le truc en fait? Ils nous ont. En fait, le truc c'est que au début on devait tous être en chômage partiel. Ouais. Et en fait, la direct, donc ceux qui s'occupent de valider le chômage partiel, ont refusé le chômage partiel pour mon entreprise parce qu'on pouvait quand même travailler, parce que Airbus travaille et comme on est un sous-traitant d'Airbus, on pouvait quand même travailler. Ok. Donc en fait, on est obligé d'avoir un minimum de gens qui travaillent pour pouvoir avoir ce chômage partiel à, je sais pas, je dirais à 60 ou 70%. D'accord. Et donc, ce chômage partiel, il est là pour compléter ton salaire qui était normalement. Enfin. Enfin, moi, comme je travaille, ben, mon salaire sera Ouais, toi, c'est bon. normal, mais c'est pour mes collègues qui peuvent pas travailler, ou voilà, ben, eux, ils ont un chômage partiel. Putain. C'est chaud. Mais je savais Ouais. pas Ah que ouais, Airbus travaillait. Enfin, c'était pas arrêté. bah, évidemment. Ben non, évidemment, ouais. Évidemment. Ouais. C'est abusé, putain. Quelle bande de fils d'up, putain. Ouais, c'est clair. Ah là là, bref, ok. Et donc toi, t'es syndicaliste dans cette boîte. Oui. Et... Tu es le seul, je crois, non? Je suis le seul délégué syndical CGT, oui. Ah, très bien. Et ça après, se passe bien. Il y a une... Ouais, ça se passe bien. Il y a une autre déléguée syndicale, mais côté FO. Ok. D'accord. C'est la ouais. guerre. Non, trop pas, on s'entend bien en plus. Elle est FO, elle est pas CFDT, ça va. Ouais, c'est ça. Ou CFECGC. Oh, non. Oula, les pires. Alors ça, c'est l'épisode des acronymes. Ouais. Alors. On va faire un battle. Putain. Et donc, bon, alors du coup, t'es plus trop confiné. Enfin, du si, coup... mais... Ben, je suis confiné. En fait, quand je suis chez ma copine, je suis confiné. Ouais. Et quand je suis au travail, je suis confiné au final parce qu'on a un bureau chacun. Ah ouais, d'accord. Et quand on se voit le midi, ben, on mange ensemble, mais à 3 mètres de différence, quoi. Donc, c'est assez rigolo quand même. Hé, hey, salut! Passe-moi! Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais. C'est un peu ça. Putain. Et toi, tu as fait le choix d'être confiné avec ta copine et pas avec, avec tes colocs. Tes colocs. Parce que je précise que tu es colocataire avec Claire, qui voilà. était dans un de nos épisodes. Et donc, oui. Donc tu as déserté ta coloc pour aller te confiner avec ta douce. Pourquoi ? Parce que alors, tu les détestes ? Non, je les déteste pas, mais c'est vrai que des fois, ils sont un peu embêtants, quoi. Non, non, mais en fait, je revenais juste du Pays de Galles. Ouais. Le lundi où il y a eu le confinement, du coup, ben, eux, ils étaient en Guadeloupe. Ouais. Et du coup, il me restait une semaine à rester tout seul, soit chez moi, ou sinon, j'allais chez ma copine. Donc, je pense que j'ai fait une bonne action de venir chez ma copine, quoi. Puis, ça me plaît de rester un peu avec elle. Bah ouais, c'est cool quand même. Ouais. Et du coup, il te manque pas, tes colocs? Ah si, grave. Parce que apparemment ils ont changé ta chambre en salle de cinéma. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais. Complètement nationalisé ta chambre. Mais grave, sans préavis, sans rien. Je suis dégoûté. Moi, je pense que je vais appeler les prud'hommes. Tu vas jamais retrouver ta chambre en fait. Tu, non. Ils ont changé les serrures et tout. Ils ont changé la disposition de votre cuisine aussi. Je sais pas si Claire. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu. C'est magnifique. J'ai vu les photos. Ouais. Oh, écoute, c'est magnifique. C'est magnifique, là, les petits pots de fleurs et ah, tout. Ah oui, on adore. Ouais. Ouais, on adore. Et donc ouais. Avant que tu commences à aller travailler, donc prendre potentiellement un petit peu l'air, même si voilà, comment ça se passait le confinement? Pas trop, vous marchez pas trop dessus? Pas trop dur? Non, franchement, bah, écoute, elle aime bien les jeux vidéo comme moi, donc les premiers jours on s'est vraiment saigné sur les jeux vidéo, quoi. Après, bon, les jeux vidéo, t'en as vite marre, donc on a commencé à regarder des films. Ouais. et après, on a commencé à faire du sport, tu sais, en regardant les gens à la télé, là. Ah ouais, ouais, ouais. Sur, c'est quoi, c'est pas le truc du matin, là La gym, ah, je ouais, pense, matin, là. Ouais, truc comme ça. Mais après, nous, on est sur YouTube, on a tapé faire de la gym. Et, puis, ouais. Faire de la gym. Et là, c'était fini, quoi. Ah ouais. Et là, c'était l'ouverture du champ des possibles, quoi. Ah ouais. Et du coup, t'es super tanké? Eh ben, tu me connais un peu, donc tu sais comment mon corps est. Je pense qu'il va me falloir quelques années avant d'être tanké. mais ouais, je suis sur la bonne voie. Il y a une bonne progression. Ouais. Okay. Au moins mentalement déjà. Il a envie de le faire, et ça, c'est beau. Ouais. Parce que c'est pas le cas de tout le monde. Ouais. Donc c'est tout à ton honneur. Ah oui. Ah, ça c'est gentil. Et les jeux vidéo, vous jouez à quoi? Alors on a joué beaucoup à Resident Evil. Ah putain, trop bien. Donc tu vois, c'est en plus dans le thème, tu vois, tuer des zombies et tout. On s'était dit, ça se trouve, dans 3 semaines, ça va être ça. Donc voilà, on a pris des fusils, puis on tirait sur des zombies, quoi. S'entraîner. Ok, et donc... Vous, l'arme pour buter les zombies, c'est le flingue. Ce sera le fusil, votre choix. Le fusil. Ouais, le fusil, ouais. Ok. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que Resident Evil, ou c'est un peu plus élaboré que ça, quand même? Non, parce que le fusil, surtout celui de chasse, hein, ouais. Il est présent dans pas mal de foyers, du coup, je pense que voilà, c'est celui qu'il faut s'entraîner le plus, quoi. Ouais. Mm-hmm. Mais c'est lourd, hein. Moi, j'ai déjà, parce que mon père est chasseur, et donc quand j'étais petite, il m'amenait à la chasse et au baltrap. Je suis ce genre de meuf. Oh non. Et putain, une fois, j'ai essayé de tirer donc sur un faux canard qui volait là. Et putain, et ça m'a mis propulsé en arrière, quoi. Ouais. Je crois que c'est ce qu'on appelle le recul. Ouais, Tu chasses un peu, toi, Pivi, en Corrèze? Écoute, quand j'avais 16 ans, je suis allé accompagner les chasseurs. Ouais. Mais c'est tout ce que j'ai fait. Très bien. Tu les as juste regardés faire. Ouais, donc on a plus fait une balade en forêt, en fait, avec des trucs fluo sur la gueule. plus que chasser, quoi. Mais c'est bon, c'était marrant. Réducteur. Ah non, mais c'était super cool. Après, l'ambiance le matin, le petit café, le petit pâté, le petit machin, c'était cool, hein, franchement. Ouais, oui, c'est surtout ça en fait. C'est le petit café avant de commencer. Et ensuite, c'est bon, t'as la battue, le truc comme ça. Et ensuite, c'est L'apéro. l'apéro. Ouais. Ouais. Ça, mon père, il adore. C'est sa raison Mon père, première. l'apéro, il adore, Oh, mon père, il adore ça, le Ricard et tout. Ouais. Mais ouais, moi j'ai pas été à des battues, j'ai été genre j'allais avec mon père entraîner le chien en fait. On avait des Ah, cailles d'accord. et du coup moi il fallait que je prenne la caille et elle avait un petit bouchon accroché à la jambe et il fallait que je la pose genre au milieu d'un champ et ensuite mon chien devait la retrouver. Et il devait D'accord. pointer comme ça et tout. Mais c'était cool hein, c'était beau. Mon chien était extrêmement con mais Ah ouais, putain. il s'appelait Pigou, voilà, on pense à Oh, lui. rip. Rip Rilao, Pigou. Ouais. Rip Pigou. Voilà. Et Bon, ça ton y autre est. chien chasseur a peur des oiseaux. Ouais, Donc c'est maintenant, mon pratique, père a du deux coup. chiens et il y en Voilà. a un, Gaspard, Pour aller je chercher, c'est bien. l'embrasse, mais il a peur des oiseaux, donc il a toujours été extrêmement nul en chasse. Voilà. D'accord. Il Ah sert ouais, carrément. principalement à faire des Rien. câlins. Ouais. Et à te Ah, faire mais c'est pipi bien dessus aussi. quand il est très excité aussi de Et il te te voir. pisse dessus, ouais. Voilà. Et Bref. il nique toutes les chiennes espagnoles du quartier parce que comme il est trop beau et que c'est un pur race, et ben du coup il engendre plein d'autres petits chiens. Ah ouais, c'est un Voilà. reproducteur. C'est un putain de reproducteur. Ouais. Voilà. Voilà. C'est un peu le beau gosse du quartier, le beau gosse du Tiercart, à Ouais. Dangin. Voilà. Putain, la classe. Une vie de chien quoi. Ouais. Ouais, une vie de chien. Ouais, donc du coup moi j'accueille les, enfin ça m'arrive des fois d'accueillir les chasseurs qui viennent. Amener leur chienne comme ça. Et la dernière fois, bah, c'était pour Noël. C'était la veille de Noël, je crois, justement. Non, la veille du Nouvel An. Et j'étais en pyjama, tu sais, 9h du mat, quoi, normal. Mais j'étais en pyjama horrible, le pyjama que j'ai chez mes parents. Donc c'est un truc en polaire doudoune avec Ouais, je vois, des ouais. Ah, chiens le truc dessus, tu sais. dégueu, Enfin, ouais, le truc trop laid. là. Ouais, qui pue la poussière et tout. Dès que ça Exactement. a enfermé, là. Exactement. Ouais, c'est ça. Et donc j'étais là-dedans, emmitouflée là-dedans, comme ça, vraiment, dans toute ma grâce. Et là, j'entends le chien qui aboie et je sors. Et je pensais que ça allait être, il y allait avoir un vieux chasseur avec son chien. Oh, putain. Non, ils étaient trois. Il y avait un vieux chasseur, il y avait un mec de mon âge et il y avait un mec de 16 ans. Et moi, je sors comme ça en pyjamas. Et je dis, ah, bah allez, vas-y, putain. Et il commence à me parler de la saillie, de sa chienne et tout, qu'elle fait des chaleurs. Je vois mon chien qui court après la chienne, qui lui lèche le cul. La chienne, elle chie dans le jardin et elle s'en fout plein le dos. Elle avait du caca plein le dos. Et du coup, l'autre, il me parlait de saillie, de chien qui baise et tout. Et j'étais là, ah, ben super, ah, nickel. Mon chien essayait de monter la chienne direct et Pleine tout, de donc merde. pleine de merde. Ah, c'était terrible. Et du coup, vraiment, je me suis bien sentie à ce moment-là, Ah quoi. oui, c'est À bien. 9h du mat, Ah comme ouais, ça. bien à l'aise. Ouais, c'est pas que j'avais envie de draguer des chasseurs, hein, non loin de... enfin, c'était vraiment pas mon intention, mais je me disais, bon, Ouais, t'es trop juste milieu. est-ce que j'avais envie que des gens me voient comme ça, dans cette situation? Non, je ne crois pas. Donc, Bien, bien, bien. voilà, quoi. Bah, voilà, cette chaîne a mis bas. Ah, très bien. Eh bien, c'était une super anecdote en tout cas, j'apprécie. Je pense que c'était important que tout le monde Ah ouais. la sache. Mais c'est ça aussi la vie à la campagne. Tu connais, toi, en Ah Corrèze putain. Ah ben oui, c'est ça. Moi j'ai appris la sexualité parce que j'ai vu des taureaux monter des vaches, quoi. Ouais. Ah, mais et du coup, ah oui, bah, vraiment, c'est... J'espère. attention quand même, hein, faut pas reproduire Attention, le. on Ne est faites quand pas même ça sur chez un vous, hein. podcast familial. De Attention, droite. de droite, donc faudrait pas. Oui, pardon. Ça la fout mal. Mais alors attends, parce que du coup, ça me fait rebondir. Ça, c'est comment de grandir en Corrèze? Ben écoute, j'ai l'impression que tu grandis un peu dans un microcosme en fait, hein. Ouais, et Parce c'est. que tout ce que tu vois à la télé, t'as pas l'impression qu'il se passe quelque chose chez toi, tu vois. T'as pas l'impression que c'est le même monde. Ouais, Mmh. mais Voilà. ça l'est pas vraiment. quand même. Parce que moi, j'étais en Corée cet été, il se passait pas grand-chose de ouf, hein. Non, non, mais après, il se passe pas grand-chose de ouf, mais ouais, je traînais dans le quartier, tu vois, avec mes copains. Dans le quartier, dans le hameau. On faisait le tour du lotissement, tranquille, avec le bike, tu vois. Toi aussi, t'avais un arrêt de bus où tu te retrouvais pour zoner. Alors écoute, il n'y avait pas un arrêt de bus, mais il y avait une cabine téléphonique. Et à chaque fois, on se disait, hey, les gars, on se rejoint à la cabine et tout, on va fumer des cigarettes, boire des panaches, tu vois. Ah putain, mais on a eu la même enfance, c'est terrible. Ah ouais, c'est génial. Et toi, Marion, tu connais pas ça, toi, t'es Ah non, excuse-moi, j'ai grandi en milieu urbain, j'ai grandi au pied du château de Pau, voilà. Elle a grandi en ville, elle regardait pas la télé. Si, je regardais la télé, mais j'avais pas le droit. Elle avait pas le droit de regarder la télé. Bah, t'avais pas le droit de regarder la télé ? Non. Putain, mais moi, mes parents, ils nous foutaient devant la télé. En CP, mon sac, c'était South Park, pour aller à l'école. Parce que mes frères regardaient, du coup, moi, je regardais avec eux. Mes parents ne faisaient absolument pas attention à ce qu'on regardait. Clairement. Et... Non, mais regarde la femme que tu es devenue maintenant. Oui, bah, c'est grâce à ça. Hein. C'est grâce à la négligence. À la négligence de mes parents. Mais la télé, c'était génial. Je sais, merci, mais c'est pas ma faute. Mais j'étais frustrée, j'avais pas le droit de le regarder. Moi. Putain. Voilà. Faut que je lisais les livres. Tu peux te rattraper du coup pendant le confinement à la télé, tu peux bien la regarder. Ouais. Ah bah non, parce que la bande passante, elle est coupée. Non, on peut regarder TF1. Non, super. Ah, non, faut pas regarder TF1, c'est pas très bien. Non, c'est pas très bien. TF1, sur toutes les chaînes. Non, ce soir, on va regarder M6, on va regarder Top Chef. Ah bon ? Ah, il y a Top Chef. Bah, bien sûr. Putain, j'avais oublié. On est mercredi. Très bien. On est mercredi ? Oui, je sais pas. Ouais. Oui, on est mercredi. Okay. Bien sûr qu'on regarde Top Chef. Mm-hmm. Tu regardes pas les émissions de merde, toi, Pivi ? Bah écoute, j'ai du mal à regarder la télé, ouais. Pourquoi ? J'ai du mal à regarder la télé. Après, c'est pas mieux, hein. Je regarde des vidéos de télé sur YouTube, donc... Bah nickel. En fait, je fais plus, je regarde pas la télé en direct, mais je fais plus du replay, ouais, sur des émissions qui m'intéressent ou des débats qui m'intéressent. Ouais. Et c'est quoi les émissions qui t'intéressent ? Je regarde beaucoup C'est Politique. Ok. C'est une émission le dimanche soir sur France 5. Ouais. Voilà, et qui parle souvent de sujets d'actualité, politique. Tu vois, mais avec des visions différentes, donc c'est pas mal, moi j'aime bien. Okay. Ok, mais je crois que c'était pas dans ça qu'était passé ma prof là, Françoise Coste. Pas du tout. Non ? Non, absolument pas. Quoi, absolument pas ? Non, c'était pas du tout la même émission. Non. T'es sûre ? Oui, certaine. Ok, je sais pas. Et ok. Après, donc je regarde quand même la télé le week-end, des fois je regarde des images de rugby avec les copains. Hey, ouais. Rugby ! Ah, oui. Ça se voit aussi, ouais. Putain. Ils ont la finale de Destination, c'est reporté en octobre, c'est ça ? Et ouais, surtout que nous on était partis au Pays de Galles voir Pays de Galles-Écosse, il a été annulé quoi. Ouais. Ah mais merde, mais ouais. Oui, c'est pour ça qu'ils y étaient quand même. Et ouais. Trop triste. Ah putain. Non, les boules. Ah, ouais, triste. 24 heures avant le coup d'envoi quoi. Putain, quelle horreur. Quelle horreur. Et vous avez c'est pas grave. Vous avez été remboursé. Non, ça a été reporté en octobre, mais après, nous, on a passé 3 jours dans les pubs. J'étais à boire des bières, hein, c'était cool. Hein. Oui. C'est pas mal aussi, je pense que l'ambiance au Pays de Galles, elle est cool. Oui, ça c'est sûr. Et ils n'avaient pas encore notion du confinement, j'imagine, là-bas. Non, trop pas, mais justement, ça a fait un petit choc, parce que nous, on est restés... Le pseudo-confinement au début en France a commencé, là où ils ont fermé tous les restos, tous les bars et tout. Ouais. Et nous, on voyait ça, tu vois, on était là, ouais, c'est ça. Et puis, on était au pub jusqu'à dimanche soir à saouler la gueule, et puis lundi, on est rentré, ça fait un peu douche froide, quoi. J'imagine, hein. Genre, on est arrivé, tout le monde avait des masques et tout, on était là, qu'est-ce qui se passe le soir, monsieur Macron, Manu, pour les intimes, ouais. Qui annonce que tout est fermé. Nous, on était là, qu'est-ce qui se passe ? On aurait dû rester là-bas, quoi. Ouais, la gueule de bois un peu abusée, ouais. Ça devait être un peu... Ouais. Rude, hein. La gueule de bois qui traîne. Putain. C'est ça. J'aimerais bien aller au Pays de Galles. Mm. Pas maintenant, clairement, mais parce que l'intérêt... Parce que, enfin, sans les pubs, c'est... Ça n'a aucun intérêt. C'est pas que ça n'a aucun intérêt, mais ça en a moins, intérêt. Quand même. Mais j'aimerais bien y aller, faire un petit road trip, là. T'imagines aller au Pays de Galles si t'as pas ni match de rugby ni pub? Excuse-moi, que bah, fais-tu la au nature, Pays de Galles la nature, on va dans les Pyrénées, non, t'as les moutons, quoi. Bon, bah ouais, bah c'est vrai qu'on les en a moutons, pas. Les moutons, la nature, les roues. Ouais. Bah voilà. Ouais, bon. C'est vrai. Bah, y a en des vrai, trucs, si tu veux. Si tu veux de la nature, pas de pub et pas de rugby, tu vas en Corrèze, hein. Oui, c'est ça, pas de rugby. Bah, il y a du rugby, mais ouais, ok, il y a Brive, d'accord. Bah, bah quand même, oui. Bon. Oui, ouais, mais ouais, Brive, d'accord. C'est pas toute la Corrèze, tu vois. Moi, l'été dernier, j'étais en Corrèze, dans un petit village, je saurais même pas te dire. Le nom ? Le nom ? C'était en Hack ? Je crois, ouais. Bon, un truc comme ça. Corrèze, hein. Et il y avait rien du tout. On a été aux gorges de... Je sais pas quoi, là. Ouais. On a été au tour de merde. C'est les tours de merde. Mais on appelle ça les tours de merde. Ouais. Soit dit en passant, c'était bien sympa. Ouais, vous êtes allé à la table d'orientation tout en haut ? Je crois, oui. Bah oui, on a monté... Attends, moi, il y en a une que j'ai pas montée parce qu'il faisait super chaud et ça me gavait. Mais, ok. Mais ouais, il me semble. Non, mais c'était cool. Qu'est-ce qu'on avait été voir ? Ouais, les gorges de je sais pas quoi, là, c'était sympa. Et on a mangé dans des restos de ouf. Par contre, ça, j'avoue. Ah ben, oui. La ça bouffe, rigole pas, oui. C'était incroyable. Ah ouais, putain. Donc, bravo. Je te félicite pour la bouffe de chez toi. Ben alors, pour rebondir justement là-dessus, excellente transition, qui, j'en suis sûre, n'avait pas du tout fait exprès. Si, bien sûr. Tu n'as pas mentionné dans ta présentation que, à part tes occupations syndicales, tu es quand même en charge d'une association. Ah oui, même. Alors, je suis président d'une et vice-président d'une autre. Ah, alors, je suis président d'une association d'épicurisme. Mmh. Ouais. Donc, son but à cette association, c'est réunir et organiser des rencontres et des débats entre passionnés de l'épicurisme et de la doctrine du bon vivant. Ouais. Donc tous les mois, on se réunit, voilà, on donne un thème. Donc il y a eu le comté, il y a eu les entrecôtes, il y a eu la charcuterie. On a fait un plat qu'on appelle les farcidures, c'est un plat d'origine corrézienne. Voilà, et après, on débat un peu sur ce qu'on mange, on donne des notes, et puis voilà. Alors, donc, ça, c'est... le débat, il a à voir avec... plus genre ce que vous avez dans l'assiette devant vous à ce moment-là et la qualité du plat que vous avez devant vous ou la qualité du plat en général, genre le débat autour de l'entrecôte en général ou de l'entrecôte que vous avez devant vous. Ça dépend parce que tu vois quand on a fait le comté par exemple c'était un débat sur comment il fait le comté, tout ça c'était plus un exposé etc. D'accord, alors que les farcidures, parce que moi j'étais à la réunion, la grande réunion des farcidures, oui, et c'est incroyable. Moi, j'ai découvert ce plat n'ayant absolument pas d'origine corrézienne, je ne connaissais pas. Alors déjà, ils te mettent dans l'ambiance avec tout un folklore quand même. Hein, parce qu'on a la chanson des farcidures, on a le clip officiel avec la recette traditionnelle du farcidure. Alors tout ça dans une odeur absolument de bouillon incroyable. Voilà, pas gras du tout, très sain, très, très light, très léger, vraiment, ça, c'est fin, ouais. C'est très fin, ça se mange sans faim, ça ne pèse pas du tout sur le ventre, hein. Tu n'es pas à deux doigts de mourir d'une indigestion à la fin, pas du tout, et puis le tout arrosé quand même d'eau pétillante, évidemment, voilà. D'eau pétillante, oui. pour les plus convaincus. C'est de la badoffine bulle, c'est une bouteille rouge. Ouais, voilà. Ah. Mais rouge, rouge foncé, par contre. Hein. Rouge foncé, elle attaque un peu. Ah ouais. Quand t'es pas prévenu. Bon. Ah ouais, elle d'accord. Elle tâche un peu, la badoie. Je vois. Oui. Je vois le type de... Tu vois de badoie. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Mais ouais. Et c'est quoi, d'ailleurs, les farcidures, du coup ? Alors, pile. Alors, les farcidures, qu'est-ce que c'est ? C'est un plat qu'on peut appeler plat du pauvre. Oui. Voilà, donc, c'est des pommes de terre râpées. D'accord. Voilà. Donc, c'est avec une râpe bien spéciale, hein, une râpe à farcidure. Donc, une râpe à farcidure. Ouais, donc ça fait une espèce de purée un peu granuleuse, quoi. Mm-hmm. Rap à part ses yeux qui se ne trouve que dans les Leclerc de Tulle. Ah oui, oui, oui, que dans le Leclerc, je crois. Même, ils en ont plus à Super U, je crois. Ah, bah, mais il y en a toujours à Leclerc. Super, et du coup, tu râpes tes pommes de terre, ça fait une espèce de purée un peu granuleuse. Dedans, tu viens faire une boule avec cette purée, et dedans, tu incorpores de la farce. Donc, dans cette farce, il y a de l'ail, du persil et du lard gras. Oh là là, voilà. Génial. Et après, cette boule, une fois qu'elle est reformée avec le lard au milieu, ben, tu la plonges dans un bouillon où dedans tu as mis du petit salé, une andouille, des carottes, navets, céleri, voilà. Ok. C'est incroyable, c'est absolument incroyable. Et c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et donc, du coup, ça frit dans ce... Enfin, ça cuit, quoi. Ouais, ça cuit dans ce bouillon. Ça cuit, ouais. Ça bout dedans, en fait. D'accord. Voilà. Putain. Donc après, ça fait une farce, une pomme de terre un peu gélatineuse et c'est super bon. Et ce qui est bien, c'est que tu peux tout manger, quoi. Parce qu'après, une fois que t'as cuit dans le bouillon, le bouillon, tu peux le garder et le manger plus tard. Mais j'en avais ramené du bouillon ici. Oui, mais tu l'as bouffé avant que j'arrive. Ah, mais t'étais pas là. Oui, c'est vrai. Ah ouais, ce bouillon était, mais incroyable. Ouais. Vraiment. C'est vrai. C'est vrai qu'on s'était régalé. Ouais. C'était fou. Qu'est-ce que je foutais ce week-end? Je sais pas. Pourquoi j'étais pas là? C'était pas l'anniversaire de Coralie, justement? Bah non, c'était en septembre. Ah, je sais pas. Non, mais je crois que c'est le week-end où je me suis niqué le genou, non? Non. Ah oui, je pensais ça, ouais. Ah ouais? Moi aussi. Ouais, je dirais. Attends, les farcis durs, on l'a fait en janvier? Fin janvier? Ouais, janvier, ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Ça devait être ça. Voilà. Ah putain. Moi, pendant ce temps, j'étais en train de m'éclater le genou. Bah, super. Bah écoute, bah, voilà, super. T'aurais dû rester avec nous, manger les farcis durs. Ah bah grave. D'ailleurs, au début, j'étais tellement pas accoutumée donc, à ce petit folklore corésien que j'appelle ça les farcis doux. Et du coup, autour de moi, je dis « Ah, c'est parce que j'ai mangé ce week-end, j'ai mangé des farcis doux. » T'es à bout. Voilà. Et du coup, quand je l'ai dit au meilleur ami de mon... un des meilleurs potes de mon père, qui est lui corésien, il m'a dit « Non, mais ça n'existe pas, les farcis doux. » Ah, pardon. Non, c'est les farcis durs, moi. Ah, pardon. Autant pour moi. Voilà. Donc, c'est doux aussi, quand même. C'est tout doux. C'est plus doux que dur. Ouais. Enfin, ça dépend... Ça dépend du combien tième, quoi. Ouais, voilà, par contre. Alors, c'est ça, parce qu'il y a aussi une règle, parce que du coup, c'est quand même une association qui est quand même très carré-carré sur le règlement et sur le respect de la charte. C'est-à-dire que tout ce qui est dans ton assiette, tu dois le manger. Ah oui, quand même. Ah oui. Voilà. Et le problème, c'est que ils m'ont servi... voilà. Sauf que... Ouais, mais toi, tu vas aller à une réunion d'épicuriens, il faut y aller avec le matos, quoi. Ah, mais j'ai tout fini. Ah, il faut y aller outillé. J'ai tout fini, voilà. J'ai failli mourir, j'ai tout fini. Voilà. Putain. Et comment s'appelle cette association? Donc, c'est l'entente vigilante du Farsi Gang. Ok, super. Alors, Farsi Gang, bien sûr, ça vient de Farsi Dur et du gang des Farsi Durs, donc Farsi Gang. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est bien trouvé. Et t'as dit que t'étais dans une autre association aussi? Ah oui, vice-président. Oui, ouais, je suis vice-président d'une association culturelle, oula, en Corrèze. Culturelle en Corrèze, c'est dur à dire, hein. Culture et Corrèze, en général, ça va pas dans la même phrase, alors du coup, c'est... C'est ça. qui s'appelle Tuberculture. Ok. Et le leitmotiv un peu de cette association, c'est de faire découvrir, de développer la culture en milieu rural. D'accord, excellent. Voilà, donc tous les ans, on a une salle de spectacle donc, qui fait spectacle pour enfants, concerts de musique, théâtre, etc. Ouais. Et tous les ans, on a un festival de musique tous les étés. Putain, c'est trop cool, voilà. Ça. C'est quand? Ouais. Eh bien, alors, c'était tout le temps le deuxième week-end d'août, et cette année, ça a changé. C'est du 9 au 12 juillet. D'accord. Très bien. Et il y a des artistes comme Alain Souchon, Kali, Tondeur, Les Vents Passent, Nièvre Dubiteur, Magenta. Putain, tu pèses. Et voilà, etc. Ouais, ça pèse un peu. Bah, après, c'est un festival qui est super vieux. Il a 33 ans, si je m'abuse. Ouais. Donc, c'est un des plus vieux festivals de France, au final. Super vieux. Sympa pour nos auditeurs seniors. Oui, c'est vrai. trop cool. Et toi, c'est quoi ton rôle en tant que vice-président? Genre, c'est toi qui trouve les artistes, qui tape à leur porte? Ou pas du tout? Alors, dans cette association qui est beaucoup portée par le président, Jean-François Pommier, que j'embrasse d'ailleurs. Oui, on l'embrasse aussi. Voilà, on l'embrasse tous. Moi, j'essaie de le seconder dans les prises de décision. Ok. Donc, dans la recherche d'artistes, dans la recherche de plein de choses. Voilà. Donc, je suis plus un conseiller que vraiment dans l'action. Ok. Et Et c'est pas... après, pendant les manifestations ou pendant le festival, ben, je fais un peu de tout. Je fais du bar, de la sécurité, du parking, Du bar. voilà, Et du bar. montage, démontage. Du bar. Et du bar. Du bar aussi, oui. Et c'est pas trop galère de gérer ça en étant à Toulouse en Si, étant. ouais, c'est hyper compliqué. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai plus un rôle de conseil qu'un rôle de voilà. Parce qu'il faut aller démarcher les gens, il faut aller démarcher les entreprises, il faut aller démarcher les politiques pour avoir des subventions. Donc, c'est sûr que de Toulouse, c'est hyper compliqué, quoi. Ouais. Mais c'est trop cool que tu sois investi comme ça dans le milieu associatif et culturel de ton village, enfin pas de ton village, mais de chez toi, quoi. Parce que moi, je sais que par exemple, dans ma petite campagne, les jeunes, ils sont pas du tout investis, quoi. Enfin, ça dépend, mais en général, ouais, ils sont pas trop investis dans la vie culturelle autour. Et du coup, bah, il n'y en a pas. Ouais. Les seuls clubs qui marchent, c'est les clubs, genre, c'est le troisième âge et la chasse, en fait. Bah après, Après, il n'y a te rien, quoi. suffit juste de voilà d'un petit groupe de personnes qui ont envie de faire quelque chose, hein. Ouais, Après, c'est ça vrai. peut être de la musique, ça peut être n'importe quoi, une bibliothèque, un truc, voilà. Mais en Ouais. fait, souvent, ces initiatives-là dans les milieux ruraux, malheureusement, ils sont portés par des gens. Donc, si t'as pas ces gens-là qui sont motivés et qui arrivent à fédérer autour d'eux une espèce de petit noyau pour monter un Ouais. projet ou une asso, c'est hyper compliqué. Ouais. L'État va pas t'aider, quoi. Ouais, c'est clair. Et vraiment, enfin, moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait des trucs, alors soit pour les vieux, soit pour les tout petits. Rien au milieu, ouais. Et au milieu, en fait, il n'y a pas grand-chose, quoi. Mmh. Y a même voir rien. Ouais. Et c'est dommage, quoi, parce que c'est vrai qu'il pourrait y avoir des initiatives de fête. Ouais, Enfin, voilà, mais. c'est sûr, hein, parce que, enfin, je sais pas si toi, Claire, ça t'est arrivé un peu, enfin, tu l'as ressenti comme moi, mais moi, quand je suis parti de ma Corrèze, que je suis allé déjà à Limoges, qui est une ville, bon, il y a 120 000 habitants, hein, Ouais. c'est pas non plus la folie, mais je me suis senti un peu couillon, quoi, je savais rien, culturellement, je sais rien, quoi, j'ai rien Ouais, découvert. ouais, c'est vrai. Moi, au final, quand je suis arrivée à Pau au lycée, bon, voilà, Pau, c'est pas immense, mais voilà, ça faisait bizarre. On avait l'impression que c'était un autre monde, un peu, genre, c'était la ville, quoi. Et effectivement, j'avais jamais. J'avais été voir un concert de ma vie et c'était Matt Pokora. Bon montage. J'aimerais juste prévenir que c'était gratuit. Voilà, j'ai été invitée. Ouais. D'accord. Ouais, d'accord, ouais. Trouve pas les excuses. C'était. Non, mais je sais. Voilà. J'avais été voir Matt Pokora, j'avais été voir Nadao. Nadao, Ah un groupe oui. Ah ouais. béarnais. Voilà. Et on l'embrasse d'ailleurs. Et on embrasse Nadao On d'ailleurs. l'envoie dans la. Et c'est tout, quoi. Après, j'avais jamais fait d'autres trucs. Donc, c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre. Mais je me suis vite rendu compte que Pau, c'était pas ouf non Oui, c'est plus. ça, hein, c'était pas non plus. Et c'est après, quand je suis partie du lycée et que je suis partie à Londres pendant un an, là, ça m'a Ah fait une oui. claquasse Ah oui, tu m'étonnes. assez énorme. Et quand je suis revenue à Pau, ça m'a refait une claque un peu, genre le retour, le revers de la Ah main. putain, ouais. C'était pas ouf, quoi. Donc, ça fait du bien d'arriver à Toulouse Ouais. après, qui était un petit entre-deux. Putain, mais ouais, hein, moi, c'est. Enfin, moi, après, j'ai grandi à Pau et j'ai grandi en ville. Et bon, alors, l'offre culturelle à Pau, alors, ça a peut-être changé, hein, je veux pas cracher, mais honnêtement, c'était pas oufissime, quoi, tu vois. Non. Mais franchement, à part les concerts, c'est pareil, tu vois. Bon, alors, c'est quand tu grandis que t'as le droit. Enfin, que nous, par exemple, on allait à l'Ampli ou dans des salles un petit peu, genre des bars qui faisaient aussi des concerts un petit peu hautes que, genre, les énormes trucs au Zénith, où t'avais Holiday on Ice Patrick Bruel. Et Patrick Bruel, quoi, tu vois, enfin merci. Et Matt Pokora. Et Matt Pokora, Oui, Matt visiblement. Bon, Pokora, ouais. voilà. Qui a enlevé ça, qui a arraché son t-shirt à un moment, hein, je le précise. Ouh, Voilà. ah Ah, ouais? super. Ah bah, Voilà. fallait bien ça. Mais sinon, ouais, les activités culturelles, bon, on avait de la chance, on avait. Ça, c'était grâce aux associations, quoi, mais. Mais en dehors de ça, putain, mais moi, mais j'avais qu'une envie. Ah, mais de toute façon, moi, je l'ai su dès que j'avais 15 ou 16 ans, je pense. Le jour où j'aurais 18 ans, je me barrais de là et j'allais à Toulouse sans me retourner, quoi. Et ça a été fou. C'était fou, par contre, là. Train de t'imaginer avec la main qui bouge. Non mais je me barre de là, c'est sûr. Ben, elle était exactement en train de faire ça. C'est sûr, c'est Elle était sûr. exactement en train de faire ça. Ouais. C'est comme quand elle engueule les gens en manif. Oui, j'engueulais pas les gens, j'éduquais les deux petits syndicalistes de la CGT pour leur expliquer ce que c'était un petit peu le doctorat. Pardon. Elle engueule les gens. Je ne les ai pas engueulés, ils étaient ragis et d'ailleurs on s'est retrouvés au comité de mobilisation du Mirail. Et Ils ils étaient avaient ravis. peur, Ils ils ont avaient dit, oh pas peur. putain, oh putain, c'est l'autre encore là, il va encore nous gueuler dessus. Vas-y, souris. Non! Souris pour l'apaiser. Ils sont adorables, ces deux petits cégétistes. C'est pourtant, je porte pas forcément la CGT dans mon cœur, mais eux, ils Et sont on très les mignons. embrasse. On les embrasse, les Ouais, deux on les petits étudiants embrasse. cégétistes, oui. Et la prochaine fois, les gars, Faites un signe. tous ces deux fois, faites un signe et on saura qu'il faut venir vous sauver. N'importe Ah bah ça c'est la patte Marion quoi. C'est le je Ah ouais, la n'engueule patte pas marron. les Mais gens. C'est après, ce qui fou. est bien avec Marion, c'est qu'elle fait passer un beau message, je trouve. Ah, merci. Qui est? Même si c'est des fois un peu dans la douleur, elle le fait passer. Elle le fait bien passer. Ça fait mal, mais tu verras, c'est pour ton bien. Voilà, Ouais, après. exactement. Ben, d'ailleurs, elle a eu comme cadeau Oh, récemment oui. un livre. Alors, notre copine Justine est venue dormir ici et plusieurs jours, et donc, du coup, elle a ramené un cadeau. Alors, moi, j'arrive dans la pièce, je vois le cadeau, et j'étais là, oh, super, un cadeau! Et donc, je dis, non, c'est pour Marion. J'étais là, ben, moi, je me gratte le cou. Et là, en fait, elle m'a dit, non, mais tu vas voir pourquoi. Et Putain. elle ouvre, Marion ouvre le cadeau. En fait, c'était un livre. C'est Les mots sont des fenêtres. Et c'est sur la communication non violente. C'est Ah pour oui. apprendre à communiquer de façon non violente. Je trouvais ça génial. J'étais là. Ah oui, Bah d'accord. Oui, je comprends maintenant. Et ça marche, du coup, tu vois. Marion, maintenant, elle parle plus. Non, mais là, tu vois Elle rien, puisque visiblement, je peux pas engueuler les gens. Alors, je ferme ma gueule. J'ai Ah compris. oui, ça marche bien là, Bah, ça se voit bien. super. Ça marche bien. Alors, elle n'a pas tout lu encore. Hein. Elle en est à l'intro. D'accord. J'ai lu la quatrième de couverture. Je ne suis pas allée plus loin, ça m'a saoulée. Donc, voilà. Ça va, C'est c'est la passion, ça, c'est. la passion. C'est la Mais oui, c'est la passion. Passion. Si, à la passion. Du Si. militantisme. Oui, Le feu de la colère bien qui sûr. brûle. Oui, c'est ça, Non, oui. mais Voilà. t'as raison, des fois il faut savoir l'exprimer, sa colère. Merci, Pigi. Oui, mais Voilà, après, c'est tout. elle peut s'exprimer de façon tout à fait calme. Mais je m'exprime de façon très calme. C'est juste que, comme par hasard, vous n'êtes pas là quand je le fais. Je vous rappellerai pour Quoi? mémoire. Comme par hasard, vous n'êtes pas là quand je le Je ne fais. suis Je pas pense là. que je te vois Ouais, c'est assez ça. souvent Non, et bah pour te écoute, voir quand tu t'exprimes de alors façon calme. excuse-moi, je ne t'ai jamais vu dans une seule réunion du comité de mobilisation. Je ne t'ai jamais vu. Quand moi je présente Pourquoi en tu ne l'as AG, pas vu? ça part en reproche là. Ça Non, part mais en attends, reproche. Je t'ai vu elle m'y dans a le pas vu bac. parce que j'étais quoi? Coincée à la part parce que Ah, mais je ne j'ai. dis pas que tu n'avais pas une bonne excuse. Ah Je dis juste que j'ai des témoins et je les ferai venir à la barre s'il le faut, monsieur le président, et ils pourront t'assurer que je m'exprime de manière complètement raisonnée, calme et sans hausser le ton. D'accord. Et après, il faut que ça sorte parce que il me tape tellement sur les nerfs que, bon, ça tombe sur vous, mais. Oui. Je suis capable de mener un débat de manière complètement rationnelle et avec un Ah, ton mais de voix ça, j'ai complètement jamais dit que tu machin. n'étais pas capable de mener un débat. Ça, Voilà. tu es tout à fait capable de mener un débat. Mais sans gueuler, hein, je Claire, précise. Non, mais je précise. je pense qu'on va arrêter, sinon elle va s'énerver. Elle va commencer, elle va finir le truc en nous gueulant dessus. Non, mais C'est ça. merde! Non, mais parce que le patriarcat! Je ne dis rien. Je ne déplore rien, je ne déplore rien. Voilà. Si. Tu nous l'as vexé, Pivi. Ah, je suis désolé. Non, bah, c'est pas grave. Elle a les coudes, les bras croisés comme ça, elle bougonne. Tu bougonnes pas. Ah. Elle bougonne dans Je son ne coin. bougonne pas. Elle bougonne dans ses cheveux gras. C'est vrai que j'ai les cheveux gras, par contre. Ben ça, c'est le confinement, c'est Ah comme ouais, ça. franchement, un relâchement complètement Ouais. de l'hygiène capillaire. Ouais. Ah, de l'hygiène tout court, même. Ah ouais? Ouais. Non, moi je me lave quand même. J'ai Ouais, pas complètement arrêté on encore. se lave quand même. Ah oui, mais oui. Parce qu'il y a... Il y a réduction de la bande passante, mais pas de l'eau. Hein. Oui. Ah, d'accord. Ah oui, j'avais pas compris. Ne confonds pas. Oui. C'est pas la peine d'économiser l'eau. Non, parce que ça va sentir la petite fille qui se néglige, hein, sinon dans 2-3 jours là. Ouais. Parce que ça la sent déjà. À mon avis, s'il arrête pas de se farcir de farciture, au bout d'un moment, ça ressort. Hein. Est-ce que vous avez cuisiné un peu des petits trucs pour vous faire plaisir là, pendant le confinement? Ben écoute, ouais, on fait pas mal à manger quand même. Avec Chloé, là, on se régale. Putain, trop bien. Ouais. Quel a été le meilleur plat, du coup? Le meilleur plat, ouais. Un jour, elle m'a fait, pour me faire plaisir, elle m'a fait son gratin au dauphinois maison que sa mère lui avait donné en recette. Putain. Et il est pas dégueu. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Il se rapproche même du meilleur que j'ai mangé au Meet the Meat. Ah, resto au Toulouse. Ah oui. Qui fait un gratin au finnois des plus excellents. Ah bah faudra qu'on y aille. C'est trop bon, Meet the Meat. À la sortie du confinement. Ah ouais. Ouais, c'est super. Putain, j'y suis jamais allée, je crois. Non, c'est pas mal. Ouais. Mais le nom m'alèche déjà. Ouais. D'accord. Voilà. Mais je crois que j'ai jamais mangé un vrai gratin dauphinois. Comment ça? C'est vrai? Ben, tu sais, c'est tout genre... Moi, j'ai mangé des gratins de patates. Ah non. Mais c'est pas des gratins dauphinois, tu vois. Enfin, je sais qu'il y a une recette spéciale et je crois que je n'ai jamais... Le gratin dauphinois n'a jamais touché mes papilles. Mais c'est pas vrai. Je crois, hein. Mais il faut absolument rectifier ça va pas du tout. Bah ouais. Bah oui. Mais il y a tellement de plats français... J'ai jamais goûté. Et c'était le truc qu'on se disait qu'il fallait à tout prix qu'on se fasse un road trip autour de la France et que ce soit un road trip culinaire. Ouais. Et qu'il y en ait une qui soit en charge de... Il y en a une qui est en charge du vin, il y en a une autre qui est en charge des desserts, une autre qui est en charge des plats et une autre des trucs touristiques. Ah non, mais alors ça, non, c'est qu'il fallait qu'on fasse un tour. Comme c'était ça. Un tour d'Europe parce que tous les 2 ans à peu près, avec nos copines, je sais pas si tu les as rencontrées, Pivi, Mylène... Oui, Eden, ouais. Et Lydie. Ouais, je crois que je l'ai vu, ouais. Ouais. Lydie, non, je crois pas. Non, Lydie, je crois pas que tu la connaisses. Bref. Et donc, on se fait des voyages. Donc, on est parti ensemble au Mexique, Belize, Guatemala. Ça va, c'est des petits voyages, quoi. Des c'est petits sympa. Voyages. Dans l'Ouest américain. Voilà, on a fait un road trip quand on était aux États-Unis aussi. Ouais. Et là, le prochain, on voulait se centrer un petit peu plus en Europe. Et donc voilà, faire cette entreprise un petit peu de tour d'Europe, culinaire, voilà, à Cormes, hein. Voilà, parce qu'on a quand même une monologue dans l'équipe, ce serait quand même dommage de s'asseoir dessus. Et 4 gloutons, hein, finalement. Oui, ouais, ouais, après on mange 4 gros lards, voilà. Ouais. Donc on s'est dit qu'il fallait exploiter ce potentiel à fond, quoi. Moi, c'est le truc central, la bouffe dans les voyages. Ah c'est, ouais, bah si, ouais. Si je peux pas manger des plats de ouf quand je voyage, vraiment, ça me fout le seum total. Ouais. Ben ouais, mais c'est comme dans les mariages, hein. Tu te souviens d'un truc, c'est de la bouffe. Hein. Grave. Mais grave. C'est vrai. C'est vrai. Et, ouais. Et je sais que quand on a été au Mexique, Belize, Guatemala, au début, j'ai un petit peu claqué des fesses parce que quand je me suis rendu compte que les ingrédients principaux au Mexique et au Guatemala et au Belize, toute l'Amérique centrale, ouais, les ingrédients principaux sont la tomate, ça j'aime, ok, l'oignon, ça j'aime aussi, et la coriandre. Et ça, par contre, je déteste. Ah ouais, t'es comme moi. La coriandre, c'est ouais. Mais c'est une horreur. C'est l'enfer. La coriandre, ils en foutent partout. La coriandre, c'est sans déterminer dans un plat, ça sent et ça goûte la coriandre. Ça merdifie tout le plat. Mais peut-être pas pour ceux qui aiment, mais pour ceux qui aiment pas, ça, ouais. Ouais. C'est horrible. Ben alors du coup, moi, j'ai eu un peu peur parce que les premiers jours, ils foutaient de la coriandre partout. Ouais. Et même quand je leur disais sin cilantro, il y en avait quand même. Ouais. Et quand je leur demandais dans quel plat il y en a pas, ils me disaient celui-là et en fait il y en avait. Bon, c'était terrible. Ouais. Il a fallu que je mente et que je dise que j'étais allergique, vraiment très mortellement allergique à la coriandre pour que vraiment ils fassent attention de ne pas en mettre. Ouais. Et voilà quoi. Donc ça a failli me flinguer mon voyage quand même. Bon, ça l'a pas ah ouais. Non, non, ça va. Oui, ça va, on s'est quand même fait plaisir. Ouais, on s'est quand même baffré. Ouais, grave. Ça va. Mais bon, là. C'était. Voilà quoi. Voilà. Mais donc, ouais, road trip autour de l'Europe, ce serait cool de faire ça le jour où on pourra sortir de chez nous et où on aura le temps de partir en vacances. Oui, aussi, hein, parce que. Ouais, mais c'est une bonne idée, je vais la garder là pour l'assaut, ouais. Ben grave. Je pense que ça peut être une bonne idée, ouais, se faire un petit bon, pas forcément en Europe, mais au moins dans la région, un Mais petit ne week-end. serait-ce que les régions Mais de France. déjà, tu explores une région, mais je pense que mais t'as le temps de faire mille trucs, hein. Parce qu'il y a Ah plein de ben oui. plats, il y a plein de. Il y a D'ailleurs, plein tu de disais, trucs. t'as pas goûté des plats français. Quel genre de type de plat t'as jamais mangé? À part le gratin dauphinois. Moi? Oui, toi? Enfin, t'as déjà mangé de la blanquette, des trucs comme ça? Oui, ça, de la blanquette, oui. Bœuf bourguignon aussi. J'ai Farci. jamais mangé de l'andouillette ou des trucs comme ça. Non, c'est tellement bon ça. Oh, c'est trop bon. C'est parce que j'ai senti l'andouillette avant de la bouffer. Ah ouais. Et Enfin, du coup, j'ai t'as dit, ouais, bah, c'est mort, allez, ciao. l'air. Je Ouais. vais pas manger un truc qui sent le cul, ça va aller. Et pourtant, plus elle pue et plus elle est bonne. C'est mon père Ah, qui dit mais ça. dégueu. J'aurais pas dû la sentir, ouais. Notamment celle du Berry à Pau, chez nous, là, les Palois. Elle est Ah très ouais? très bonne. Ah oui. Très très Bien bonne que l'andouillette du m'en Berry. ramène un jour. Ah oui. Eh ben, ouais. Non, ça, j'ai jamais bouffé. Mais après, ben là, je sais pas, j'arrive pas à penser à des trucs. J'ai jamais mangé de kouign-amann. Ah, c'est trop bon. Après c'est ouais c'est hyper sucré ça. Oh, c'est très Ouais. gras surtout. Ça Ouais. baigne dans le beurre, quoi. J'ai jamais mangé de bouillabaisse. Oh, c'est tellement bon. Hachis parmentier, t'as déjà mangé? Bah oui, Oui, ça bon, quand même. ça, d'accord. Ça, on s'en fait Ça très ouais. régulièrement. Plus spécifiquement, du Hachis hachis parmentier au au confit de canard. confit de canard. Non, Attention. arrête. Bien Mais sûr bien que sûr. oui, mais bien sûr. Bon, c'est notre plat signature avec Pierre, l'autre coloc du coup. Ah là Ouais. là, Eh ben, on j'attends. en a bouffé. Ben oui. Attends, c'était pour Noël. Pour Noël, ouais, on en Ah avait mais fait un. oui, putain, mais il était incroyable Il d'ailleurs. était très bon, ouais. J'avais oublié. Le nôtre est meilleur, mais il était très Oui, bon. par contre, ça, oui. T'as On fera un concours, déjà mangé un mais pot-au-feu? bien sûr. Oui, ça quand même, ça va. De la poule au pot. Ah bah oui, Oui, c'est de chez nous, donc c'est de chez nous, oui. ouais. Quichorène. Oui, Oui. la wish. Ben voilà, t'as mangé beaucoup de choses, C'est pas daube mal au manger un peu. bœuf. Daube au bœuf, oui Ah aussi, là ouais, là, c'est la trop daube. Je pense que c'est mon bon. plat préféré C'est trop de bon. l'univers, la Tartiflette. daube. Tartiflette Tartif, aussi, ouais. ouais. Mais ça, la Ouais, tu tartiflette, vois. la première fois que j'en ai mangé, c'était quand on avait fait le Nouvel An, là, il y a 5 ans, un truc comme À ça. Cotteret? C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Ouais. Ah ouais? J'en avais Mais c'est jamais pas mangé trop avant. de chez nous, quoi. Moi, c'est pareil, hein, tartiflette. J'ai commencé à en manger à partir du début de ma vie d'adulte, hein. Chez nous, on faisait pas de tartiflette. Non. Pas Ah trop. ouais, Ah ouais, non, non. bizarre. Pas du tout. Ben ouais, moi, chez moi, mes parents, ils font principalement des plats Ouais, de chez nous, quoi. basco-béarnais espagnols, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah, le poulet basquaise, quoi. Le Le poulet poulet basquaise. basquaise, La piperade, piperade, putain, la piperade, ouais, ça, c'est l'adobe. bon. Mais Oh, il ouais. se régale. Mais ouais, on se régale grave en vrai. Ouais, par contre, C'est tellement bon. Oh, ça me manque. Là, et Ah ben, ouais, mais... hier, j'ai fait des. C'est un plat un peu. Ben, je crois que c'est genre basque espagnol, mais avec les pois chiches et. Pois chiches, le chorizo, les piquillos et de la sauce tomate, là. Ouais, c'est Ah, délicieux. tu dis des pois chiches? Non, je dis des pois chiches, Ah, mais nous, on dit c'était des pois pour... chiches. On dit des pois On dit des Ok, pois des chiches pois chiches. ici. Ok, Et des pois chiches. ça, c'est trop bon, quoi. Ouais. C'est du garbanzo. Normalement, ça se met en soupe, mais. Ah ouais, en soupe. Putain, pourquoi on l'a pas fait en soupe? Parce qu'on l'a fait en sauce. Putain, prochaine fois, on le fera en soupe. Voilà. Parce qu'on l'a fait en sauce, voilà, Voilà. c'est tout. Mais c'est quand même très très bon, ouais. La prochaine fois, on fera en soupe. Avec du chorizo. C'est vraiment délicieux. Voilà. Ouais. D'ailleurs, j'ai envie d'en bouffer! Enfin, bref, voilà. On arrive à la fin quand même, là. On Oh a fait. putain, oui, on a Ah fait que parler de bouffe là ouais? depuis tout à l'heure, là. Ouais, mais ça tient les gens en haleine, la bouffe. Ouais. Grave. Et du coup, quelle serait ta recommandation, Pivi, pour Les auditorices, pour tout le Euh, monde? ben, écoute, ma recommandation, ça serait ben, de se préparer au pire et commencer à faire des barricades de où on est, quoi. Ok. Acheter des armes Ouais. et commencer à s'entraîner en tirant sur ses voisins. Ok. Ben ça me paraît pas Voilà. mal. Vous pouvez tous Ok. vous y mettre ce soir à 20h. Voilà. Quand tout le monde Ah applaudit, bah boum, oui. boum, Boum, le voilà. Oui, bruit des c'est là où il y a le applaudissements plus de masque. cibles. Oui, et le bruit des applaudissements masquera le bruit du fusil. Bon courage. Ok. Donc très bien. Et qu'est-ce qui a illuminé ta journée? Bah écoute, ce qui a illuminé ma journée, c'est ce matin, j'étais sur le périph', il n'y avait personne, à 8h30, et oui, c'est possible. Trop bien, ouais. J'ose Et même pas imaginer à quoi ça ressemble un périph' sans voiture dessus. ah ouais, c'est trop énorme. Et du coup, j'avais mis la musique à fond, et la musique, c'était Best Day Ever de Mac Miller. Trop bien. Oh là là. Et RIP. du coup, voilà. Ok. Ouais, RIP. Ouais. Ok. Excellent. Ah bah c'est plutôt classe, ouais. Ouais, ça, c'est classe. Tu t'es cru dans un film? Ouais, là j'étais américain, j'allais pas du tout au travail, tu vois. Ouais. J'étais bien, je me suis dit, allez, je vais à la plage. T'étais dans Et ta en fait, Cadillac et tu partais là sur la ouais, route voilà quoi. 66. ouais, Ouais. et oui, sauf qu'au bout de 3 minutes 30, ben, la musique était finie et j'étais arrivé au travail. Ah bah Oh ouais. merde. Bon. C'est dommage. Toi Marion, Voilà. qu'est-ce qui a illuminé ta journée? Qu'est-ce qui a illuminé ma journée? Oh si, c'était ce matin aussi, pareil. Claire m'a J'étais sur montré. le périph. J'étais sur le périph aussi. J'étais dans ma voiture, C'est ça. j'écoutais un son. Non, c'était au petit-déj. Claire m'a montré une vidéo de la BBC où c'est une famille de Britanniques qui chante, donc ses parents et enfants, donc il y a trois gamins et les deux parents. Quatre gamins. Quatre gamins, ils sont quatre gamins et les deux parents, et ils refont une chanson de la comédie musicale Les Misérables, que je déteste par ailleurs. Mais ça m'a un peu réconciliée avec le show, parce que, donc ils reprennent évidemment sur fond de confinement, One day et more. franchement, c'est hilarant, ils sont trop forts. Ils ont refait ouais, toutes les paroles. Ah ouais, Genre, c'est y a un énorme. gamin qui se demande s'il doit changer son slip et tout. Ouais, Enfin, non, c'est c'est marrant. vraiment, c'est très bien fait, ils ont tous des voix absolument incroyables, Ouais, ils cette sont bande de trop forts. connards. Et voilà, les gens talentueux, ça m'agace un peu, mais là, j'avoue que ça a émerveillé mon début de journée, quoi. Voilà. Et toi? Et moi, eh bien, moi j'ai reçu le Ah oui. résultat pour l'entretien à la bourse que j'ai passé vendredi. Et j'ai eu ma bourse, voilà. Donc l'année prochaine, Trop bien. je pars 6 mois aux États-Unis. Les poches pleines de dollars. Les poches pleines de dollars. Voilà, donc je suis très contente. Quand j'ai reçu le mail, j'étais pas censée le recevoir maintenant, ça devait être à la fin du mois. Mais quand j'ai reçu le mail, en fait, Marion était en train de faire la sieste. Et du coup, Tu es réveillé, quoi. et non, je Même voulais, pas. et j'ai voulu, et j'étais toute excitée, j'étais là, genre, oh putain! Et après, je me dis, non, c'est pas cool, je vais pas la réveiller pour ça. Et donc, après, je me suis dit, bon, bah, je vais écrire à mes directeurs, et j'ai commencé à écrire un mail avec plein de points d'exclamation et tout, et j'étais là, non, mais c'est pas assez, enfin, genre, il faut vraiment que j'en parle à quelqu'un. Donc, j'ai envoyé un message à ma directrice pour lui demander si je pouvais l'appeler. Je l'ai appelée, et là, j'ai dit, Et voilà, donc, c'était cool. Et elle était contente et j'étais contente et voilà. Donc Bien. ça a pas mal illuminé ma journée quand même, Ah bah hein. oui, Ben, franchement, c'est... je te félicite, hein. Merci! Je suis Ouais. contente. Voilà. Toute Écoute, cette... j'ai un autre truc qui a illuminé ma journée, c'est Ouais. j'ai une pote, Claire, Ouais. qui m'a annoncé qu'elle avait eu une bourse. Ah ben, C'est pas vrai, Incroyable! incroyable. C'est sûr que Incroyable. c'est une Et personne formidable. ben, c'est une personne formidable, et elle a fait un petit podcast là, avec sa coloc, Marion, elle fait un podcast. Ah. Faut écouter, c'est super cool, Comment ça super s'appelle? drôle. On mettra le lien. Alors, c'est la mort vautrou, je crois. Oh, super, c'est Abonnez-vous. drôle et tout en plus. Ouais. Abonnez-vous. Abonnez-vous, mettez des Ah bah likes, des pouces fantastique. bleus. Fantastique. Eh bah écoute, on est très contente Ouais. que t'aies accepté de participer à notre podcast. Écoutez, ça fait grand plaisir. C'était un plaisir de te parler. On espère qu'on va se voir bientôt quand même, Ouais. parce que Inch'Allah. ça devient n'importe quoi cette histoire. Faire la révolution, la merde, j'en Hein. peux plus, moi, d'être énervée dans mon salon, j'ai plus personne contre qui gueuler. Bah, du coup, moi, je suis là C'est et je peux vous dire que je catastrophique. m'en prends plein la ruche, Oh, c'est jamais, jamais. pas vrai. Non. Alors, du coup, je regarde plein de trucs sur le marxisme révolutionnaire. Tu vois, je lis tous les articles de Mediapart, je ne sais plus quoi faire. Ouais. Je tourne en rond. Ouais. Du coup, on regarde Joe Exotic, là, Ouais, voilà, c'est le exactement. royaume des fauves sur Netflix. T'as regardé ça, Pivi? Ah, pas du tout. Mais Oh là mec, regarde, c'est là, c'est incroyable. incroyable. Ah ouais? C'est Ah, c'est sur un incroyable. mec. Alors déjà, je te fais la scène. Le gars, il a un mulet. Non. Blond peroxydé. Oh, trop stylé. Le mec, il a un piercing À à l'arcade sourcilière. l'arcade, mais c'est un gros piercing qui tombe un peu sur son œil parce qu'il est trop lourd. Le Oh, mec, il a génial. un prince Albert. Est-ce que tu sais ce que c'est un prince Albert? Ah oui, c'est le piercing sur le gland. Oui, voilà. Donc il a un Oh, prince Albert. nous on savait pas. Alors on a cherché sur Internet et ben Ouais, on moi je est. suis tombée sur des photos de gland avec un piercing au Ben bout. Je on peux n'a te pas dire que été déçus. j'étais pas bien. C'était hier soir Mais ouais, là. surtout ça doit faire très très mal. Enfin Oui, je bref, pense. voilà. Bah, du coup, justement, il dit qu'il faut qu'il fasse attention de ne pas se le coincer dans sa braguette. Bref. Ben, Le gars, il a deux maris. oui. Deux maris? Il a deux Ouais. maris. Genre, Le il a deux gars. potes qui s'appellent Marie ou il est marié Non, il avec est marié deux. à deux gars. Ouais. Il y en a un qui D'accord. s'appelle Travis et il y en a un autre, je sais pas, Josh, je Oh, crois. Il lui manque prénoms de un merde. chicot sur deux. Ah On ouais. dirait un piano, le gars. Bref, voilà. Et c'est pas ça le pire sur cette personne-là. C'est, hein. C'est que, bon, alors il s'appelle Joe Exotic. Déjà. Oh là là. Et en fait, il collectionne les tigres et les grands fauves de manière générale. Non. Donc il a des centaines et des centaines de tigres. Au fin fond de l'Oklahoma, un truc, n'importe quoi. Des centaines de tigres, des centaines, enfin des lions, il a des loups, tout. Et en fait, le documentaire, c'est sur ce type et sa guerre contre une nana qui est une nana qui est là pour le droit des animaux, enfin pour sauver les animaux, et qui du coup veut empêcher ça. D'accord. Et elle est folle aussi. Elle est complètement folle. T'as l'impression qu'ils sont tous sous LSD. Ouais. Le premier épisode qu'on a regardé, franchement, moi j'étais là, je me suis dit, mais attends, mais est-ce qu'ils nous auraient pas drogués à travers la télé? Parce que j'ai vraiment l'impression d'être droguée là. Ah ouais, c'était ouf. Et c'est fou. Ouais, voilà, on connaît pas encore la fin. C'est donc, des maboulots. Mais... C'est des folles dingos. Et il y a des histoires de personnes qui disparaissent, il y a des histoires de sectes. Il y a tout ce qu'il faut. On dirait que Netflix a créé ce truc pour le confinement. Ah ouais, vraiment. Mais vous me l'envoyez par SMS et comme ça je regarderai. Ouais, grave. Voilà. Ça marche, on fait ça. Et on s'en reparlera dans un parc d'ici juin. Ouais, bah, j'espère. On croise les doigts. Oh là là. Ouais. Bon, bah, du coup, reste bien à couvert autant que faire se peut. Ouais. Et le premier dehors est fan de. Nolwenn Leroy. Nolwenn Leroy. Ah, j'aime bien, moi. Ah, quoi? Ouais, merde. Nan, le renard et la belette chantent dans les loups et les renards chantent. J'allais dire, mais c'est pas elle, mais c'est une Elle a fait un album de reprise, ouais. Ok, alors, quelqu'un d'autre, premier dehors, est fan de... Bah, Grégory Le Marchal. Ouais, voilà. On reste dans la Starac. T'as dit quoi, Bibi? Alliage. Ah, oh, putain. Non. Alliage. Alliage. Ah, c'était quoi qui chantait déjà? Je sais pas. Je sais plus. J'ai que Baby Come Back, mais ça c'est des To Be Free. Ah non. Je sais pas. Putain. Attends, je vais trouver. Non, je suis red dingue de toi, mais ça c'est non. Les G-Squad. Putain, les G-Squad. Non, c'est pas pareil. Alliage, c'était. Alors, là. C'était pas. Bye là. Oui c'est pas vrai, ceux qui font ça. Mais bien sûr. Et puis ils avaient fait un duo. Enfin, du coup, je sais pas comment on appelle ça, un duo en sorte de groupe, mais ils avaient fait un truc avec les. Avec les. Les Boy Jones. Les Boy... Quoi? Boy Jones? Boyzone. Boyzone. Tu confonds... Alors, t'as fait un mix entre Boy George... Boy George et les Boyzone. Et les Boyzone. Et ouais. Les Boyzone, ouais. Ouais, bah, incroyable. Les Boyzone. Bon, bah, le premier dehors est fan d'Alliage. Okay. Ça me va. Ouais, ça va. Bien. Bisous, Pibi. Allez, gros bisous. Salut. Bisous à Chloé. Ciao. Prenez soin de vous. Salut. Bisous. Regarde comme il fait beau. Pour aller jouer, regarde comme il fait chaud dehors, faut sortir s'aérer. Je m'en bats les couilles. Abattu par la fatigue d'avoir rien branlé. Le projet c'était de rien foutre et j'ai aucun plan B. Je pense qu'à glander, chanter, m'esquinter la santé. Mon cochon d'Inde est mort de faim, je lui donnais rien à manger. 15 appels manqués, rappelle-moi de jamais les rappeler. Aucun objectif, je suis sûr de pas les rater. J'écris jamais de chansons, je suis sûr de pas les rapper. Je suis fakir, je marche pieds nus sur des assiettes cassées. Il me reste une barre d'énergie, ça sent la panne de réseau. Tu viens tenir tes exos, je finis ma boîte de l'exo. Je vis dans mon 10 mètres carrés, carrelage couvert de crasse. Si je prends le balai, c'est juste pour changer la poussière de place. Regarde comme il fait beau. Ouais, ouais. C'est l'heure pour aller jouer. Je pas les couilles. Regarde comme il fait chaud. Dehors, faut sortir s'aérer. Non. Regarde comme il fait beau. Dehors, c'est l'heure pour aller jouer. Je reste à l'intérieur. Regarde, je crois. Comme il fait chaud. Dehors, faut sortir s'aérer. Je vis en marche, plus ça va, plus je me détache. Déchiré sur les photos, même sur le périph, souris quand y'a les flashs. Je crois la syncope, ils m'en rendent malade. Au réveil, le petit déj, c'est une fin de clope et une part de pizza froide. Fatigué, je trouve même plus la force de m'ennuyer. Tout ce qui traîne peut devenir un cendrier. On est resté bloqué sur les vieilles vannes de lycée. Si t'as pas de nouvelle histoire, on va les remasteriser. Je veux qu'on me foute la paix, je dors, je provoque la chance. Je suis à l'autre bout du canapé sur les photos de vacances. J'avance avec un fort taux de latence. Je me réveille à midi, j'ai la gueule à 18. Regarde comme il fait beau. Ouais, dehors, ouais. C'est l'heure pour aller jouer. Je vois pas les couilles. Regarde comme il fait chaud. Dehors, faut sortir s'aérer. Non. Regarde comme il fait beau. Dehors, c'est l'heure pour aller je jouer. Je reste à l'intérieur. Regarde, je crois. Comme il fait chaud. Dehors, faut sortir s'aérer. Bonjour, J'ai une 4 saisons et une calzone, c'est ici. Tu peux garder la monnaie, j'ai mal au crâne quand je calcule. Des pizzas, des films bizarres, des femmes, des tentacules. J'allume une clope et pense à celle d'après pendant que je la fume. Comme une pucelle dans un gangbang, j'en branle pas une. Je prends l'évolution dans le sens contraire, je végète. Je descends même plus mes poubelles, je les lance par les fenêtres. J'ai la flemme de nettoyer mes fringues, je les jette. J'ai des portraits de mes ex, on fera des parties de fléchettes. Un t-shirt propre qui traîne égale nouvelle tête d'oreiller. La flemme d'aller pointer au taf, je me lève du mauvais pied. Je ramasse la PlayStation et les jeux qu'on m'a prêté. Puis je trace un easy cash, tout est bon à monnaie. Regarde comme il fait beau. Ouais, ouais. C'est l'heure pour aller. Je vois pas les trucs. Regarde comme il fait chaud dehors. Pour sortir ça et chut, non. Regarde comme il fait beau dehors. C'est l'heure pour aller. Je reste à l'intérieur. Regarde, je crois. Regarde comme il fait chaud dehors. Pour sortir ça Putain, c'est qui qui a dessiné le singe? Quel singe? Je suis sur les céréales. C'est les céréales les plus falches que j'ai jamais vues. Mmh. Oh, les enculés, ils ont appelé ça des Coco Pops. Scrud, il est déjà là? Ouais, il est dans le garage, on t'attendait pour enregistrer. Mmh. Tu l'as fini, ton truc? Non, il me reste une phase chelou, mais ça va le faire.